Salut cher Gary Rêveur et bienvenue sur ce premier numéro de notre émission Le mot Soul Food de la semaine. Très rapidement, découvrons le premier mot que je vous propose cette semaine. Procrastination, perte de temps inutile, désordre, manque de concentration, etc. Cher mangeur d'impossibilités, le mot Soul Food de cette semaine, autodiscipline, apparaît comme un médicament très efficace pour guérir plusieurs maux dont vous souffrez et qui vous empêchent d'avancer réellement vers vos objectifs. Mais au fond, qu'est-ce que l'autodiscipline? Nous pouvons dire que l'autodiscipline est le fait de s'imposer et de suivre des règles que l'on s'applique à soi-même. Elle se distingue de la discipline tout court par l'absence de contraintes ou d'aide d'une ou de plusieurs personnes. S'autodiscipliner, c'est avoir la capacité de se pousser à l'action, quel que soit son état émotionnel. C'est être capable de faire ce que nous devons faire pour réussir, que nous en ayons envie ou pas. Vous devez savoir, cher guerrier rêveur, que l'autodiscipline est l'un des plus grands piliers du développement personnel et du leadership. Car, comme le disait si bien Harry Truman, après avoir lu la biographie des grands hommes, j'ai compris que la première victoire se remportait sur soi-même. L'autodiscipline vient toujours en premier. Ces paroles très bien inspirées de Harry Truman vous montrent que nous avons forcément besoin de l'autodiscipline pour prendre en main notre vie. En effet, cher guerrier rêveur, vous êtes obligé de suivre par exemple les règles de l'école, le code de la route et les autres règles de la société, sinon vous risquez des représailles. Vous êtes obligé de suivre des règles qui vous sont imposées par vos parents, vos chefs, par un contrat que vous signez, etc. Mais dites-moi, êtes-vous capable de suivre les règles imposées par vous-même? Quand il n'y a personne pour vous réprimander, pour vous contrôler, êtes-vous capable de faire ce que vous devez faire pour votre amélioration personnelle et votre réussite? Êtes-vous capable, par exemple, de continuer par faire le sport tous les jours, même quand vos muscles sont endoloris et que la fatigue vous abat? Êtes-vous capable de vous priver de faire des achats inutiles et suivre un plan d'épargne en vue d'un investissement qui vous tient à cœur? Cher guerrier rêveur, autant vous le dire, criez sur tous les toits que vous voulez réussir sans passer par la case de l'autodiscipline, c'est vous leurrer. José Ortega y Gasset disait « On distingue l'homme exceptionnel de l'homme ordinaire, car si le premier est très exigeant envers lui-même, le second ne s'impose rien. » Vous ne pouvez donc pas devenir exceptionnel sans cet ingrédient. L'autodiscipline est un moyen sûr d'apporter un changement durable dans votre vie et de réussir à tenir vos résolutions dans différents domaines de votre vie. Si vous arrivez à faire d'elle un style de vie, vous réveillerez en vous une force qui vous permettra de gravir les montagnes d'impossibilités qui se dressent sur votre chemin. L'un de ses principes fondateurs est l'acquisition et l'apprentissage de nouvelles habitudes. Avec elle, cher mangeur d'impossibilités, vous adopterez pas à pas de nouvelles habitudes qui vous permettront d'atteindre des sommets. Ne l'oubliez pas, on ne devient pas champion avec des habitudes de loser. Il nous est tous arrivé ou il nous arrive de manquer d'autodiscipline. Sachez cependant que ce manque ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'évoluer. L'envie d'évoluer peut être réelle sans que vous n'arriviez à vous autodiscipliner. Ceci peut être causé par plusieurs raisons, mais surtout, vous êtes emprisonné par vos habitudes actuelles et dominé par vos émotions. Très heureusement, cher guerrier rêveur, comme un muscle, l'autodiscipline peut s'entraîner, se renforcer, s'augmenter pour vous servir. Si vous avez envie de muscler votre autodiscipline, de pouvoir vous faire faire ce que vous devez, que vous en ayez envie ou pas, de réellement arriver à dompter tester vos émotions. Pour par exemple faire régulièrement du sport, lire plus souvent ou adopter d'autres habitudes que vous peinez à avoir, faites signe à l'équipe de Soul Food Consulting pour suivre à tout moment notre programme de 7 jours sur l'autodiscipline. Que ce soit pour améliorer votre santé et bien-être, votre condition physique, vos différents résultats sur les plans personnel et professionnel, améliorer votre qualité de vie, vos talents innés, votre relation de couple, etc. Si vous faites de l'autodiscipline un mode de vie, elle sera une alliée très puissante qui vous aidera toujours à avancer. À la semaine prochaine pour une autre émission, le mot Soul Food de la semaine. Pour ne rien rater de nos différents contenus et émissions, abonnez-vous sur les réseaux sociaux à Soul Food Consulting ou rendez-vous sur notre site internet www.soulfoodconsulting.com. Soul Food Consulting, fixez vos objectifs et nous vous aiderons à développer les capacités indispensables pour les atteindre.